Les États-Unis ont poussé le secrétaire général de l'ONU à dénier le droit au lancement satellitaire de la République populaire démocratique de Corée. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 23 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. La République populaire démocratique de Corée a enregistré officiellement à l'ONU le satellite d'observation de la planète Kwangmyong-Song 4 via les procédures légitimes suivant la Convention sur l'enregistrement des objets lancés dans l'espace cosmique. Cela signifie que le monde a reconnu Kwangmyong-Song 4 comme richesse faisant apport à la prospérité commune de l'humanité. Toutefois, bien que le secrétaire général de l'ONU a déclaré que la Corée a enregistré l'objet lancé dans l'espace cosmique le 7 février 2016 selon la convention susmentionnée avant d'en informer les pays membres de l'ONU, le 15 juin dernier, il a envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité pour transmettre son intention selon laquelle l'enregistrement précité n'est qu'une simple procédure technique suivant la convention et aucune légitimité ni justesse ne sera attribuée au lancement précité de la Corée. Ce sont les États-Unis qui ont inventé et mis en scène cette pièce irraisonnable, opposée aussi à la fonction du secrétaire général de l'ONU, et dépourvu de l'impartialité et de l'indépendance des activités de l'ONU. Mettre en cause le droit à l'autodéfense et le droit légitime d'un État souverain reconnu sur le plan du droit international et l'asphyxier à tout prix faisant appel à tous les moyens et méthodes illégaux et banditistes en falsifiant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sanction, voilà l'objectif principal des États-Unis. Ces jours-ci, les États-Unis amènent à l'extrême la situation dans la péninsule coréenne instable en lançant de nouveau toutes sortes de biens stratégiques dans la péninsule coréenne et à ses alentours pour s'affairer davantage à la campagne d'embargo et de pression contre notre République. La réalité montre de nouveau et clairement la justesse de la ligne de promotion simultanée de l'édification économique et de l'édification des forces nucléaires que nous avons choisie. Nous sommes fin prêts au dialogue et aux mesures physiques. Les États-Unis doivent prendre la décision d'abandonner l'anachronique politique d'hostilité envers la Corée en voyant correctement la position stratégique de notre République et le courant de l'époque. Tant que les États-Unis continuent la politique d'hostilité envers la Corée, la République populaire démocratique de Corée renforcera davantage sa dissuasion nucléaire de défense légitime sur les plans qualitatifs et quantitatifs, en exerçant toujours le droit digne à l'exploitation cosmique pacifique.